Pour traverser cette porte de sécurité, il suffit de montrer sa tête. Ce système va équiper l'aéroport d'Amsterdam d'ici 2 ans. Une fois scanné, votre visage peut faire office de passeport et de carte bleue. On utilise son visage comme un moyen de transaction, notamment pour exécuter des paiements, passer la frontière, acheter des choses dans un aéroport, dans un duty free. Dès l'an prochain, les clients de Mastercard pourront même payer par selfie. On va acheter, disons, des baffles. D'accord. La première chose qu'il me demandera, c'est de confirmer le montant et le commerçant. Donc, je vais juste cliquer là-dessus. Et ensuite, il me demande de prendre des photos. Et en portant, je cligne les yeux pour éviter justement que quelqu'un montre une photo. Et tout de suite, il me confirme le paiement. Que vous pouvez nous assurer que c'est fiable à 100%? Donc, rien n'est fiable à 100% malheureusement dans ce monde. Mais c'est très fiable. Donc, par rapport aux autres méthodes d'authentification, les mots de passe, c'est beaucoup plus fiable. La panoplie biométrique ne s'arrête pas qu'au visage ou aux empreintes digitales. L'iris, la voix, et bientôt l'ADN, les veines, les battements de cœur et même les ondes cérébrales pourront servir à nous authentifier. Mais le consommateur va-t-il suivre ? Je pense que les 2/3 du monde finiront par payer en utilisant la biométrie. À mon avis, les marchés émergents y viendront plus vite parce qu'ils n'ont pas ces notions de vie privée que nous avons aux États-Unis ou en Europe. Ces technologies qui appartenaient à la science-fiction entrent dans notre quotidien. Mais le film va-t-il tourner au cauchemar ? Piratage, espionnage, utilisation abusive de nos données personnelles, certains tirent la sonnette d'alarme. Si ces informations sont collectées, puis transférées dans une base de données, alors bien sûr il y a des raisons de s'inquiéter. Il faut se demander comment et où ces données sont stockées et qui en a l'accès. Alors êtes-vous prêt à transformer votre corps en mot de passe ? D'ici 2020, le marché de la biométrie devrait tripler et atteindre 36 milliards d'euros.